Souvenir du jardin détruit par René Boislève. L'inexplicable. Il y a toujours quelques surprises sur l'examen d'un cas d'amour. Voilà comment cela a commencé. Le 18 mai, vers 11 h, deux inconnus attirèrent mon attention sous les arbres. Ces gens se permettaient de piétiner la pelouse jusque-là si sévèrement entretenue. L'un d'eux était presque un gamin, vêtu d'un imperméable de nuances beige et coiffé d'un chapeau mou fatigué. L'autre, sans âge apparent, était nu, portait des lunettes. Il avait à la main quelque chose comme un grand cahier de papier blanc ou bien une enveloppe de format ministre, détail qui me frappa encore plus que la présence de ces deux intrus. Et ceux-ci marchaient très vite, avec la rapidité du merle qui, sous les ombrages, court comme un rat. Ils semblaient chercher un point de repère. En effet, tout à coup, je vis l'homme sans âge, à lunettes, s'arrêter. Il leva le bras haut et droit. Et le Burberry beige s'immobilisa. Aussitôt, ce qui avait l'air d'un cahier de papier blanc ou d'une enveloppe grand format fut ouvert. Horreur ! Ce n'était ni cahier ni enveloppe. Du papier blanc, oui, mais qui se déplia par rectangle à la manière d'une carte géographique. Le verso seul en avait été visible, et l'abominable couleur du recto fut étalée en quelques secondes, jurant sur la verdure des gazons et des feuillages nouveaux. C'était un bleu. Comprenez-vous? Un bleu, c'est-à-dire une de ces épreuves qu'obtiennent les architectes du cliché qu'ils ont pris d'un plan. D'un plan, comprenez-vous? L'objet était un plan. Ce que tenait à la main l'homme sans âge à lunettes était un plan. Ce qu'il dépliait, là, à 100 mètres de ma fenêtre, sous les verdures éclatantes de mai, c'était le plan du parc, le plan de la propriété tout entière, probablement. Et de quel sinistre augure était l'acte que je voyais, ce matin de printemps, à 11 h précises, s'accomplir? Un plan? La propriété de la famille Desréaux était donc vendue? Événement déjà inquiétant pour le voisinage, mais ce qui semblait pire, si du plan de la propriété des Bleus avait été tiré, si à l'aide de ces bleus on venait prendre des repères dans le parc, n'y avait-il pas à redouter le lotissement? Autrement dit, des constructions prochaines? Autrement dit, la destruction d'un des derniers et des plus beaux parcs du très ancien Auteuil? Je revis à plusieurs reprises, durant une semaine, les deux personnages dans le jardin. Je ne les apercevais pas toutes les fois que mon anxiété me portait à les chercher, parce que cette année précisément les feuillages étaient d'une épaisseur exceptionnelle. Mais de ma fenêtre, je voyais la pelouse indignement foulée aux pieds et le ruisseau allant au bassin qu'ils enjambaient fréquemment, l'un le gamin avec légèreté, l'autre que j'appelais à part moi le gnome, avec une remarquable maladresse. Ces deux monstres plantaient maintenant des fiches dans le sol. Ce sont de petites tiges de bois dont une extrémité, fendue verticalement, s'entr'ouvre en bec d'oiseau pour recevoir un mince chiffon qui s'aperçoit de loin. Ces fiches, arrachées sans doute au lilas, ces chiffons sales, sur la pelouse jusqu'à présent soignés, passés à la tondeuse encore la semaine dernière, me causaient le genre d'irritation que j'eusse éprouvé si, pendant mon absence, un visiteur ivre eût rayé la glace de ma chambre en y inscrivant son nom. Les héritiers des Réaux n'habitaient plus l'hôtel qu'ils faisaient cependant brosser comme un habit, peut-être par piété filiale, peut-être aussi dans l'intention de mieux séduire un amateur éventuel. J'allais m'informer chez le concierge, qui me connaissait pour m'avoir vu maintes fois jadis à la maison. Il ne savait rien. « Comment, vous ne savez rien ? Mais voilà deux géomètres qui salissent la pelouse, qui mesurent le jardin en long et en large, et qui plantent des fiches comme on ferait dans l'intention de ramer des petits pois. » Et vous prétendez qu'on ne vous en a rien dit? On m'a dit de laisser entrer ces messieurs, un point c'est tout. Mais vous voyez bien que la propriété est vendue, on va vous jeter bas l'hôtel et votre loge, on va construire, ça crève les yeux. Le concierge me laissa apercevoir trois dents jaunes et se contenta de dire « On m'a dit de laisser entrer ces messieurs ». C'est tout ce que je pus tirer de ce serviteur d'autrefois résigné et discret. Les choses n'ont pas traîné. 3 semaines exactement après la première apparition des géomètres sous les ombrages du jardin Desréaux, une équipe d'hommes, cette fois, apparut. Au milieu d'une allée, ils enfoncèrent 4 pieux solides, fortement carrés. Ils les joignirent par des madriers et des planches horizontales qu'ils assujettissaient au moyen de cordages noués avec une compétence de matelot. Ils recouvrirent le tout d'un petit toit, une sorte de demeure lacustre, étroite et haute. Ils fixèrent là-dessus deux croix de Saint-André qui pouvaient sembler destinées au supplice d'esclaves. Mais entre les branches de l'une et de l'autre se reposa un treuil inoffensif autour duquel s'enroula bientôt une chaîne. La chaîne, munie d'un bec, mordit un seau. On creusa le sol par-dessous. C'étaient des puisatiers. Pendant quelques jours, le seau, descendu dans le trou, remonta plein de terre et de pierrailles, et une petite montagne s'éleva au beau milieu de l'allée, devant la chaumière. Plusieurs semaines, tout demeura stagnant, comme si la nature du sous-sol eût déplu à l'architecte invisible. Puis, tout à coup, un matin, une nouvelle équipe. Mon cœur palpita. Ils étaient 8. Pendant que je les comptais, j'entendis un bruit inusité dans une autre région du sous-bois. 3 gaillards, en bras de chemise, s'affairaient au pied d'un arbre et violaient, d'un premier coup de pioche, cette terre de luxe, vouée depuis des générations à jouer le seul rôle, auguste et délicat, d'un tapis de prière entre ses colonnes naturelles et sous ses voûtes d'ombrage. Quand l'instrument ne faisait que retourner le sol, le bruit ne parvenait pas jusqu'à mon oreille, mais lorsqu'il touchait, en l'écorchant la racine, j'éprouvais un choc qui, à la vérité, était aussi bien moral que physique. Quoique je ne puisse apercevoir de chez moi que la base du tronc attaqué, je connaissais si exactement ce jardin, j'y avais passé de si nombreuses heures en plein jour comme à la nuit tombée, que je pus aussitôt me représenter en toute sa structure celui des géants plusieurs fois centenaires qui le premier allait tomber. C'était le grand orme situé à main droite quand, du perron de la maison d'Héréo, on regardait dans le jardin. Il couvrait ce qu'on appelait la chaumière, et son feuillage était chaque année le dernier qui fournit sa note dans le magnifique concert des verdures. Les marronniers avaient déjà laissé se flétrir leurs fleurs. Les acacias, que leur anémie rend retardataire, répandaient leur parfum insinuant, que les 3 maîtresses branches de l'orme, toutes nues encore, exhibaient leur musculature à travers la résille de leurs innombrables bourgeons couleur de cuivre rouge. Mais en 2 semaines, il était garni et balancé sous la brise de mai, ses opulents plumages. L'orme est, parmi les arbres, celui qui me console de la brutalité des tempêtes. La rafale est l'occasion de son triomphe. Il atteint toute la beauté. Il ne se laisse pas fouetter comme un malheureux ébouriffé, échevelé, et que l'on croit sur le point d'être déchiré en lambeaux. Il fait ployer la hampe flexible de ses éventails géants. On en voit la masse lourde ou légère s'incliner d'ouest en est, selon un mouvement lent dont le tronc semble rester maître. Puis revenir contre le vent sans modifier leur rythme, aux exigences de l'ouragan n'ayant consenti qu'une sorte d'exercice d'assouplissement, mais nullement à courber avec servilité un dos transi et grelottant sous les lanières. Cet orme dépassait les marronniers qui étaient hauts, et 4 ou 5 de ses parés à lui qui dépassaient les marronniers. Je me souviens de mon émotion la première fois qu'étant reçu chez Madame Déréau, je vis, de la terrasse qui s'étendait entre les 2 perrons, cet admirable assemblage d'arbres en plein Paris. Il ne se distribuait pas selon ses savants dosages d'essence, à quoi excellent les modernes jardiniers, puisqu'il ne formait qu'une épave d'un vieux parc à la française, fort antérieur à la construction de l'hôtel. Mais, dans l'enclos présent, d'une contenance d'environ 8 000 mètres, un heureux hasard avait permis que la maison, construite vers le milieu du 19e siècle, fût posée devant un paysage qui n'était rien de moins ni de plus qu'une des plus caractéristiques toiles de bateau. Des jardins de bateau, ces arbres avaient la surprenante hauteur, l'enchanteresse disposition, la mystérieuse profondeur, et cette fantaisie qui ne s'imite point et qu'on ne saurait non plus définir parce qu'elle est, à mon avis, le suprême degré de l'art, celui où l'art, par un hasard miraculeux, s'oublie sans s'écarter de ses lois essentielles. Nous avons vu cela à certaines cimes du gothique, à tel romantisme du Dante, à des morceaux de Michel-Ange, à des scènes de Shakespeare et à ces bijoux sans égaux que l'émancipation de la Régence inspira aux arts mineurs. Si la nature toute seule parvint jamais à un résultat de ce genre, ce fut en face du perron à double accès de l'hôtel Déréau. J'ai longtemps admiré ce parc, mais pour ainsi dire à l'envers, c'est-à-dire en le prenant par une face opposée à celle qui offrait des grâces si opulentes au perron dont je viens de parler. C'est du temps que je fréquentais une bien modeste maison voisine, et alors que mes sentiments pour Madame de Pons m'empêchaient d'accorder une attention sérieuse à tout objet qui n'était pas cette jeune femme. De chez elle, cependant, ou plus exactement de chez sa mère, en me haussant à l'aide d'une courte échelle posée contre le mur mitoyen, j'avais vu la chaumière, une statue isolée, la belle eau stagnante du bassin, et le dessous de ces merveilleuses voûtes de verdure, trouées çà et là, à leur sommet, de déchirures fantasques par où tombait, les soirs d'été, la lumière de la lune qui transforme toutes choses. C'est cette féerie, et encore prise à rebours et d'un si mauvais siège, qui m'avait inspiré le désir de connaître les heureux détenteurs de ce lieu privilégié et de pénétrer dans leur parc. Madame de Pons en éprouvait le même désir que moi. Elle ne me l'avoua pas aussitôt qu'elle l'eût pu faire, ce qui d'ailleurs contribua à piquer ma curiosité. Quand je lui demandais pourquoi elle m'avait caché son désir, et en outre comment il se faisait, qu'étant voisine et qu'étant charmante, elle n'avait pas fait la connaissance de la famille des Réaux qui recevait beaucoup, elle me dit, un doigt sur les lèvres, « Je vous raconterai cela. » Bien entendu, je n'avais de cesse qu'elle ne m'eût raconté cela. Mais ce ne fut pas chose facile. On brûle d'envie de raconter le moindre fait qui s'entoure d'un peu de mystère. On annonce qu'on le racontera. L'engagement ne coûte rien encore, mais les scrupules naissent à l'instant précis de l'exécution. Quand cet instant se présenta, Madame de Pons me dit « Décidément, non, je ne peux pas. Mais enfin, je ne peux pas vous raconter pourquoi je n'ai jamais été chez eux, pourquoi je n'ai pas pu aller chez eux. Si vous étiez une autre femme, je verrais là-dessous une histoire d'amour. Il y a chez les Derrio un homme qui... » Elle éclata de rire. « Si vous saviez à quoi je pense. Non, je vous jure qu'il ne s'agissait pas de moi. Alors pourquoi vous est-il impossible d'aller chez les Derrio? C'est votre mari qui connaît quelqu'un? Non, rien de mon mari dans cette affaire. Je retiens qu'il y a une affaire à laquelle vous êtes mêlé de près ou de loin. Que vous me tourmentez! Vous savez combien je suis prêt à me monter la tête. Je vous vois dans une intrigue. La seule pensée m'en est insupportable. Allons, allons, n'ayez aucune inquiétude. Il ne s'agit même pas d'une amie à moi. Il s'agit d'une femme qui aime... Oui, là, c'est une histoire d'amour. Qui aime éperdument un ami intime des Derrio. Et après? Attendez. Cette femme appartient à une famille que je connais beaucoup. Et après? Attendez. L'homme, lui, celui qui fréquente chez les Derrio, est marié. Il vient là sans cesse avec sa femme. Les époux passent pour faire le meilleur ménage. Et l'extraordinaire est qu'ils le font. Ici est tout le caractère original de l'aventure et qui peut la faire tourner d'un moment à l'autre au tragique. S'il s'introduisait chez les Derrio, le plus léger soupçon que ce ménage excellent n'est pas sans tache, il y aurait un tremblement de terre dans le jardin que vous aimez et dont ma maison est bien proche. Vous ne voulez pas me faire écraser par ces beaux arbres ou ensevelir sous cette pelouse? Sérieusement, l'idée que je pourrais me trouver dans cette maison, étant dépositaire d'un secret si grave, me gêne. L'idée qu'un mot, un mouvement involontaire pourrait m'échapper dans cette maison et produire l'explosion, me paralyse. Vous connaissez une intrigue qui est ignorée ou que vous croyez ignorée dans la maison des Derrio. Et puis c'est tout, la belle histoire. Sans doute, si vous réduisez la chose à la commune mesure, c'est un fait banal. Mais je vous dis, moi, qu'il s'agit d'une circonstance qui n'est pas ordinaire. Comment savez-vous cela? Évidemment, puisque je ne connais pas moi-même les principaux intéressés, je ne puis le savoir que par quelqu'un qui le raconte. Ah, il y a donc quelqu'un qui raconte. Qui me l'a raconté à moi, c'est tout ce qu'on peut en dire. Peut-il se faire que quelqu'un ne raconte à l'aventure qu'à vous seul? D'autres, l'ayant apprise, la raconteront. Elle arrivera, c'est fatal, jusqu'à la maison des Derrio et jusqu'au curieux ménage dont vous ne voulez pas troubler la paix. Je ne vous dis pas le contraire. Mais dans le cas qui nous occupe, l'aventure, on apprendra que je la savais, et je ne veux pour rien au monde être soupçonné d'avoir trahi un secret. Je me souviens, comme s'il datait d'hier, de ce dialogue entre Madame de Pons et moi. Il eut lieu dans le tout petit jardin, large trois fois comme la toute petite maison habitée alors par cette charmante femme et sa mère. J'ai rapporté d'ailleurs que ce modeste parterre était séparé par un mur peu élevé du grand jardin des Derrio, et je verrai toujours Madame de Pons grimper la contre sur une échelle pour admirer la splendeur du sous-bois la nuit. Ses jambes étaient éclairées par la lueur rose de l'abat-jour situé dans la salle à manger. Cette lueur si faible fixait un point brillant sur une des mules vernies, et quand la jeune femme souhaita de descendre, je soutins par la taille tout le poids de celle que j'aimais alors. On n'oublie pas ces détails-là. Je ne cherchais pas à allonger la discussion parce que je voulais épargner tout désagrément à Madame de Pons. En réalité, je n'eus pas de peine à laisser ce faible incident s'effacer dans ma mémoire. Des événements m'accablèrent peu après. Le mari de Madame Pons, absent et pour ainsi dire séparé d'elle, revint à Paris. Elle le vit. Il était malheureux. Elle retourna lui et moi à ma solitude. Mais comme j'étais irrésistiblement attiré par les endroits qui avaient servi de cadre à mon trop court bonheur, je demeurai à l'affût d'un appartement voisin de cette rue du Bouquet d'Auteuil, où je pourrais, au moins de loin, apercevoir quelquefois une femme qui, pour m'avoir enchanté un an, comptait plus que toutes celles que j'avais pu connaître. À cette époque, on se logeait encore dans le quartier que l'on désire. Un appartement fut vacant, quelques 6 mois plus tard, non pas rue du Bouquet, mais dans la petite rue des Espaliers, qui lui est parallèle, et au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble ayant vue sur la maison où Madame de Pons avait vécu durant son quasi-veuvage, et sur la forêt qu'était la propriété d'Héréo. J'y vins m'installer. J'y habitai 22 ans, et c'est là que je viens d'assister à la dévastation du fameux jardin, à la démolition de l'hôtel, à la mise en chantier des terrains. C'est de là, on le comprendra, que je suis tenté de rassembler mes souvenirs. J'aurais reçu de mon installation nouvelle un plaisir d'une extraordinaire saveur, car la vue de ce beau jardin me ravissait, si je n'avais eu en même temps sous les yeux le petit parterre, lieu de mon bonheur, une année durant, et désormais motif de regret et d'amer dépit. Mais nous sommes si étrangement composés que je ne tardais pas à faire sur moi cette remarque. Du plaisir de contempler le jardin d'Héréo et de la douleur que me causait la vue du parterre, c'est cette dernière que j'avais cherchée surtout en choisissant mon appartement. Cependant, hiver comme été, lorsque je me reposais de mon travail, ma flânerie souvent consistait à regarder le jardin d'Héréo. Je me souviens du premier automne que je le vis rougir, jaunir, pourrir, et puis en une semaine, disperser au vent du sud et sous la pluie ses derniers feuillages. Depuis un mois, l'hôtel au fond du vaste enclos commençait à se dévoiler. Il n'était pas beau, mais il était d'assez bonne proportion, le toit à la mansarde, la façade sans surcharge, le perron à double escalier, orné d'une rampe très commune, mais que cachaient, à la belle saison, de magnifiques massifs de rhododendrons. J'entendais, à heure fixe, les hautes persiennes s'ouvrir le matin et se fermer le soir. Dans la deuxième semaine de novembre, par une soirée très douce due à l'été de la Saint-Martin, les portes-fenêtres du rez-de-chaussée furent entr'ouvertes et des airs de Bach, de Mozart, de Rameau, de Gluck me parvinrent à la faveur du parfait silence. J'avais redouté la vue des arbres dépouillés qui nous rend l'hiver plus sensible, mais le dessin magistral des ormes, celui des vieux acacias et même des marronniers, me donna une occasion d'admirer la nature végétale que je n'avais pas escomptée. Une estampe remarquable par la seule beauté du trait peut nous consoler de la perte momentanée d'une peinture opulente. Vers Noël, sous la neige, que cependant je n'aime pas, le spectacle devint féerique. Je faisais à ma fenêtre des stations trop fréquentes et trop prolongées. Le jardin d'Héréo me dérobait plus de temps que n'eût fait une liaison amoureuse, et comme, précisément, je regrettais une telle occasion de distraire des heures à ce que nous appelons les occupations sérieuses, voilà que je me surprenais à m'éprendre jusqu'à la passion pour cet enclos qui non seulement charmait mes yeux, mais s'incarnait en une sorte de personnalité mal définie encore pour moi et possédant toutefois les attributs d'un être vivant. Le mouvement, le changement, la naissance, la croissance, la maturité, la décrépitude, la mort. Avec cela, de la fantaisie, du caprice, de l'imprévu, de la grâce, des alanguissements et des colères, les suavités du printemps, les torpeurs de l'été, les contorsions et les rugissements des tempêtes. Il faut y joindre le pullulement des oiseaux, leurs criailleries, leurs chants, et encore cet inconnu qui se soupçonne dans l'épaisseur des feuillages et dans les ombres de velours qui tapissent le sol par les nuits claires et qui communique à la personnalité imaginaire d'un jardin ancien ce qu'il faut d'énigmatique à toute chose pour exercer une séduction profonde. Au temps dont je parle, il y avait dans le bassin du jardin d'Héréo un couple de canards habitant une minuscule cabane sur pilotis qui les mettait à l'abri des chats. Le nasillement américain des canards, loin d'être délectable, certes, me devint pourtant sympathique, parce qu'il évoquait l'eau, d'abord, l'eau de ce bassin particulièrement où de si beaux tons de rouille et d'émeraude étaient reflétés, et aussi parce qu'il était la voix la plus constamment entendue du jardin, la voix même du jardin. C'est par l'ingrat organe des canards que le jardin m'était rappelé lorsque je ne me trouvais pas à la fenêtre, et lorsque je me trouvais à la fenêtre, le jardin solitaire et silencieux, le jardin que j'aimais, était le plus souvent sensible à mon oreille par l'unique voix des canards. Vous pensez bien que tous les chats du quartier, à certaines époques du moins, se rencontraient pour leurs affaires passionnelles dans ces lieux paisibles. Puisque j'en viens à ces chats, c'est le moment de dire le rôle que l'un d'eux joua, par le plus grand des hasards, dans le récit que je suis en train de composer. L'immeuble dont j'occupe le rez-de-chaussée est environné par une bande de terrain négligemment entretenue où rampe à sa guise le lierre et où poussent, non moins libres, quelques fusains et lilas. Une grille à 10 mètres de ma fenêtre sert de frontière entre le domaine de mon propriétaire et celui de la famille des Réaux. Les barreaux en semblent trop rapprochés pour qu'un chat de taille moyenne la puisse franchir, fût-ce en s'étranglant le train de derrière. Mais où ces animaux ne passent-ils pas? Un matin d'avril, en pénétrant dans mon cabinet, je trouvais, assis devant mon feu de bois, somnolent et comme chez lui, un énorme matou angora, aux poils somptueux, et dont la queue, décrivant autour de lui un ovale parfait, semblait l'isoler du reste du monde, comme la chenille sur laquelle repose un globe de pendule. Je le saluai en souriant. Je lui adressai la parole. Il ne fit aucune attention à moi. Ma vieille bonne, avertie de la présence de cet hôte nouveau, ignorait d'où il était venu. Je résolus de ne pas plus m'occuper de lui qu'il ne le faisait de moi. Au bout d'une heure de travail, relevant la tête, je ne le vis plus. Il n'était pas dans la pièce. La fenêtre était demeurée entr'ouverte. Il avait fui sans bruit par la même fissure qui lui avait permis d'entrer. Le lendemain matin, il était devant mon âtre, aussi placide et indifférent. Le surlendemain, l'air étant vif et ma fenêtre close, sa grosse masse obstruait un carreau de vitrage à l'extérieur mais en plein soleil. J'ouvris, il entra sans se presser. L'ayant alors caressé sans qu'il m'eût invité le moins du monde, il se montra sensible jusqu'à l'exubérance à mon geste. Il quitta même le foyer pour sauter sur ma table, ce qui ne me plut guère, puis de la table sur mes genoux, où il se blottit et ronronna pendant que je tachais d'encre de belles pages vierges. Pareil manège se répéta durant plusieurs semaines, mais avec cette variante que le chat prolongeait ses visites jusqu'à accepter mon déjeuner, jusqu'à faire la sieste avec moi dans ma chambre à coucher. Après quoi, le soleil, il est vrai, ayant tourné, l'animal disparaissait sans que la plupart du temps on y pût seulement prendre garde. Un matin, je remarquai que mon matou portait un collier comme un chien, un fort beau collier, ma foi, en cuir rouge et orné d'une plaque de cuivre où un nom, une adresse, était gravée, Monsieur Déréau, 15 rue du Bouquet d'Auteuil. Ah ! Les sorties fréquentes et prolongées du chat avaient provoqué de l'inquiétude. On le soupçonnait d'avoir adopté quelques maisons. On entendait avertir les autres que le vagabond n'était ni abandonné ni même libre, qu'il était la chose de quelqu'un. Je ne pouvais plus continuer à favoriser les caprices du chat sans me rendre coupable vis-à-vis de la famille des Réaux. Que faire? Évidemment, les avertir de ce qui se passait. C'est ainsi, et en vérité sans l'avoir voulu, que j'entrai en relation avec les propriétaires du jardin. J'écrivis à Madame des Réaux, car je supposais que c'était elle qui avait surtout souci de son chat. Ma lettre eut sans doute l'heure de lui plaire. Elle ne me le dit pas, ne m'y fit pas réponse, mais m'envoya son mari. Je ne le connaissais pas, ne l'ayant jamais aperçu sous ses arbres. C'était un homme d'une 60aine d'années, petit et propre, la barbe neigeuse et fort soignée, l'œil actif et prompt. Avant d'accepter le siège que je lui désignais, il avait ajusté son lorgnon et parcouru plusieurs rayons de ma bibliothèque. Il s'assit et nous causâmes. L'entrée en matière, fournie par notre commun ami, le matou, était plaisante. « Et alors, monsieur, me dit-il, vous passez de longues heures à votre table ?»« J'écris, lui dis-je. »« Ah, vous écrivez. » Mon nom, qui ne fut jamais beaucoup connu, ne l'était pas du tout de lui. Après une pause, il ajouta « Et vous faites du feu en avril ?» Je suis frileux, précisément parce que je passe de longues heures à ma table. Vous faites du feu. Voilà ce qui plaît à Minet. Hélas, monsieur, je n'ose me flatter de lui inspirer une sympathie par ma personne. Oh, les chats, dit M. Desréaux, et en cela ils ressemblent beaucoup au commun des mortels, s'établissent à l'endroit qui leur est le plus douillet. Je crois que votre proposition est exacte des animaux beaucoup plus que des hommes, qui, contrairement aux apparences, me semblent perdre la sensibilité à mesure qu'ils se civilisent. Vous êtes philosophe ? Me demanda M. Desréaux. Mon Dieu, non, on me dit romancier. Romancier. Mais vous avez autour de vous des ouvrages bien sérieux. M. Desréaux professait l'opinion que j'ai toujours recueillie chez 98 personnes sur 100, à savoir que les romanciers ne sauraient avoir l'esprit que fribole. J'atteignis sur un de mes rayons, précisément un des ouvrages dont il avait lu les titres, d'un clin d'œil, et lui demandai la permission de lui lire la célèbre page de Taine sur la grandeur du romancier. M. Desréaux m'écoute avec attention et étonnement et n'en conclut rien. À propos de Taine, de qui il avait beaucoup entendu parler, bien qu'il ignorât cette page, il me dit qu'il lui savait gré surtout d'avoir exhumé Stendhal. De tous les écrivains du siècle qui finissaient, Stendhal était son homme. Mais ayant adopté celui-ci, il s'en tenait là. Si ce n'était pas satisfaisant, ce n'était pas si bête. Nous pûmes causer, très agréablement, une heure. Et quand il se leva, il me demanda si je consentirais à faire à Madame Desréaux l'honneur d'une visite. Dans le courant de la même semaine, j'étais invité à dîner. Cette liaison nouvelle ne me plaisait qu'à moitié, car je redoutais qu'elle ne fût un peu lourde à cause du si proche voisinage. Mais la perspective de me promener sous les arbres était pour moi d'un attrait considérable. Pouvais-je espérer rencontrer en Madame Desréaux une femme supérieure, une amie très rare et en ses familiers une compagnie du meilleur choix? Monsieur et Madame Desréaux étaient gens de goût. L'aspect de leur intérieur le manifestait dès l'abord. Appartenant l'un et l'autre à d'anciennes familles, ils avaient conservé un mobilier où la Restauration, l'Empire, le XVIIIe et le XVIIe siècle se coudoyaient tout naturellement et sans dommage, abrités de ce tri pédantesque qui faisait ressembler les appartements cossus d'il y a 20 ans à des salles de musée ou à des planches didactiques extraites d'ouvrages scolaires. Ce ménage était amateur de musique, et dès la première soirée que je passais chez eux, j'eus le plaisir d'entendre une femme, non pas précisément jolie, mais pleine de charme, qui jouait du Mozart, chose extraordinaire, avec autant de bonheur qu'elle interprétait le Chopin. Elle se nommait Madame Barrégère. On me présenta son mari, qui était le médecin de la maison. À 30 ans passés, je n'avais jamais eu de médecin depuis le temps de ma coqueluche et de ma première communion. Je n'avais pas besoin de médecin, mais je commençais à appréhender d'en avoir besoin, aussi me laissais-je approcher de celui-ci avec beaucoup de complaisance. C'était un homme d'un intérieur agréable, il paraissait intelligent et cultivé. Je songe aujourd'hui que s'il me plut, c'est avant tout parce qu'il avait lu, lui, un de mes livres, et qu'il m'en parla, sans me flatter, mais en ces termes de saisissante critique que nous rencontrons souvent chez ceux qui ne font pas profession de juger les livres. Avant la fin de la soirée, nous étions bons amis. Il s'empressa de faire part de cette nouvelle à sa femme. Madame Desréaux, témoin que j'avais conquis son médecin comme son matou, commença à me considérer d'un œil nouveau. Le docteur Barrégère, lui ayant fait l'éloge de mon livre, lui permit de donner libre cours aux bonnes dispositions qu'elle avait à mon endroit. De cet instant, toute glace fut rompue. En peu de jours, je devins un ami de la maison Desréaux. « Puisque vous restez chez vous au lieu de regarder par la fenêtre, venez donc quand il vous plaira prendre l'air du jardin. Vous pourrez gribouiller à votre aise sous la chaumière. » Peut-être aussi désirait-on que je fusse toujours dans le jardin, afin que Minet ne fût pas chez moi. Je profitais de la permission, car elle était infiniment appréciable. Je rencontrais le docteur plus souvent que les maîtres du lieu. Il venait presque tous les jours, et comme il aimait à causer, quand il n'était pas trop pressé, je le voyais se montrer timidement sur le perron et regarder d'où venait le vent. C'était sa façon, tout en me signalant sa présence, de me dire « si je ne vous dérange pas ». Il me dérangeait la plupart du temps, mais j'aimais à être dérangé par lui. La causerie avec lui n'était jamais vaine. Il m'apportait des faits précis et parfois un commentaire qui valait les faits. Ne s'amusait-il pas à me soumettre aussi des cas en m'appelant alors invariablement le psychologue ? Il était, lui, dans la maison très populaire. Petits et grands l'y regardaient presque amoureusement. Ceci à cause du prestige que lui conférait la confiance absolue de Madame Desréaux, ceux-là parce qu'il avait tiré quelques-uns d'entre eux de fort mauvais pas, en particulier le maître d'hôtel et une petite bonne, et l'on prétendait que des voisins indigents venaient le consulter à l'office où il avait ainsi laissé se constituer une clinique gratuite. Quel homme étonnant! Il savait tout. Il émettait des vues personnelles et toujours ingénieuses sur les sujets les plus variés. Il considérait les choses d'un point de vue désintéressé et élevé. Médecin des hôpitaux, agrégé, il avait, jeune encore, déjà soumis à l'Académie de médecine les résultats de quelques expériences qu'il avait fait traiter de démons par la plupart et par quelques-uns d'espèces de génies. Je n'avais pas qualité pour le juger sur ces questions techniques, mais sur les matières accessibles au commun des mortels, on pouvait le tenir un grand homme. Seulement, il avait tant de simplicité, si peu d'orgueil, et il était dénué de savoir-faire et d'ambition vulgaire à un tel degré que l'on pouvait non moins pronostiquer qu'appelé comme il était à rendre d'importants services, il n'en tirerait jamais profit. Sa situation chez les Desréaux était augmentée par celle de Madame Barrégère, musicienne, douée d'une voix de contralto excellente, et outre cela, personne en tout point exquise. Quoiqu'il vînt fréquemment chez les Desréaux des artistes illustres, que j'ai vu Saint-Saëns comme Fauré, Debussy comme Reynaldoane et Ravel, débutants et des exécutants comme Pugnot, Isaïe, Jacques Thibault, Holman, Madame Barrégère n'était par aucun d'eux éclipsée. Tous s'inclinaient devant son talent et aucun ne la traitait comme un amateur. Son mari éprouvait de ce fait une joie étrange que j'eus de la peine tout d'abord à analyser. Je l'ai vu un soir qu'elle accompagnait à quatre mains Édouard Risler dans l'exécution d'une sonate de Beethoven, verdir d'émotion et de joie. Cet homme, dont l'esprit était lourd de préoccupations scientifiques, avait la sensibilité d'une fillette. Cette fois-là, la Wallenstein achevée, le grand pianiste embrassa son accompagnatrice. Elle eut un immense succès, et je remarquai que son premier regard fut pour son mari. Certains soirs du mois de mai de cette année, qui fut splendide, je m'écartai avec le docteur et nous causions à perte d'haleine dans le jardin. Les grandes portes-fenêtres étaient ouvertes sur le perron. Une lumière discrète laissait paraître les vieux portraits de famille sur les damas un peu fanés. On distinguait la tête dorée d'une harpe et le jabot blanc d'un domestique portant un plateau. Et puis tout à coup la voix de Madame Barrégère s'élevait et nous nous taisions pour écouter une mélodie. Quelle que fût l'ardeur de la conversation, et Dieu sait s'il avait du goût à émettre et à entendre des idées, le docteur s'interrompait et vous interrompait pour écouter sa femme. Aussitôt après, il reprenait sans hésitation le fil de ses idées, mais durant un instant appréciable, je remarquai qu'une pensée étrangère et secrète se superposait à celle qu'il exprimait, et je l'étudiais si attentivement qu'il m'arrivait de sentir alors je ne sais quelle tristesse dans le ton de sa voix. Il suivait son idée interrompue le temps de la romance, oui, il la conduisait sans faiblesse assurément, mais une seconde idée, inavouée, était née de l'émotion qu'il venait d'éprouver par sa femme, et chose incompréhensible, cette seconde idée chez lui était triste. Voilà qui venait confirmer l'impression que j'avais eue une première fois en le voyant regarder sa femme avec autant de mélancolie que d'amour. Mais par la suite, dans d'autres circonstances où sa femme n'intervenait pas, du moins directement, j'entendis la voix du docteur fléchir de la même manière, perdre toute sa sonorité comme une cloche soudainement fêlée, et en même temps, son regard si pur, si limpide, si peuplé, semblait se retirer en arrière, sur un plan reculé, et les idées nombreuses et agiles qui se mouvaient et bondissaient tout à l'heure à la surface comme de jeunes bacchantes, je croyais les voir s'écouler, pareil à une foule après le spectacle terminé. Peut-être, au beau milieu d'un colloque animé, songeait-il à des misères connues de lui et sur lesquelles il gardait le silence? À quoi songeait-il? Dans les rapports de sa femme avec lui, devant le monde, rien de pareil. Elle l'aimait, c'était éclatant, et il était inadmissible qu'une arrière-pensée se logeât sous la tendresse dont elle le couvrait. Ils s'aimaient, ils avaient deux enfants, ils étaient heureux. Ce que je percevais de singulier ou d'inquiétant chez le docteur, pourtant si normal et si sain dans tous ses aspects, hormis un, n'était-ce pas, après tout, une de ces anomalies que l'on rencontre si souvent, même légères, chez les hommes de génie. Je me livrais aux supputations les plus baroques. N'avais-je pas été jusqu'à me souvenir tout à coup de ce ménage dont m'avait parlé Madame de Ponce, qui fréquentait les Dériaux et qu'une invraisemblable aventure taraudait à l'intérieur comme un verre une pomme d'apparence intacte. Mais, presque dès les premiers jours, le ménage, je l'avais trouvé. Il n'était pas pour cela besoin d'être grand psychologue. Une jeune femme, jolie, très jolie même, fort amoureuse de son mari. Celui-ci un peu belâtre, assez froid, parfaitement correct, empressé, trop, à mon avis, envers sa femme, et trop manifestement négligent des avances qu'il recevait des autres femmes, peu commun par ailleurs, intelligent et quoique jeune, titulaire d'une chaire à l'école des hautes études. J'avais décidé que cet homme-là était aussi titulaire d'une liaison, et que sa femme, si elle l'eût su, fût devenue folle. En effet, à peine un quart d'heure de bavardage avec trois habitués de la maison, prise au hasard, et l'on me contait par le menu l'aventure du professeur, laquelle était, ma foi, romanesque. Mon Dieu, Madame de Ponce n'eût jamais été qu'une initiée de plus à ce roman, et la charge du secret n'eût pas été si lourde. Ce n'était en vérité pas la peine de se priver de franchir le mur du fameux jardin. Mais avec tout cela, le ménage auréolé des rayons de l'aventure étant identifié, l'hypothèse que je me flattais de tenir pour expliquer l'anomalie de mon cher docteur n'était pas valable. Il m'en fallait rechercher une autre. Depuis l'établissement de la belle saison, le vieil Angora était beaucoup moins assidu à mon rez-de-chaussée. Il trouvait le soleil ailleurs, de sorte que je me donnais, pour passer dans le jardin, le prétexte d'aller à la découverte de l'endroit où le chat savourait le soleil, et c'est l'excuse que je fournissais à Madame Dériaux si je la rencontrais, excuse qui l'amusait beaucoup, contente qu'elle était, au fond, que je fusse un peu privée de son matou. « Cherchez, cherchez, disait-elle, cela vous fera une promenade. Un peu de mouvement est nécessaire à messieurs les intellectuels. » En réalité, ce n'était pas le chat qui me rendait anxieux, mais je me disais « Si Barrégère vient dans la matinée et s'il n'a pas grand-chose à faire, il essayera de voir si je ne suis pas moi aussi de loisir. » Et le désir de causer avec le docteur me valait trop souvent de simuler un loisir que je n'avais pas. Le goût du jardin et le goût du docteur nuisaient à mon travail. L'un et l'autre étaient mes débauches. Je raffolais du jardin, c'est sûr, mais aussi longtemps que je n'aurais pas éclairci l'énigme du docteur, c'est celle-ci qui m'accaparerait. Et je caressais l'espoir qu'un mot, dans la première conversation venue, ferait jaillir la lumière convoitée. Souvent, Madame Dériaux, au moment de se mettre à table, nous apercevant, le docteur et moi, en train de bavarder encore sous la chaumière, apparaissait au perron. Elle frappait dans ses mains et nous criait « Allons, messieurs, j'ai fait mettre des côtelettes pour vous !» Elle savait ce que cela voulait dire. Elle savait que pour rien, le docteur n'accepterait de déjeuner à l'improviste, sa femme chez lui demeurant seule. Et en effet, il arrivait qu'à ce rappel soudain de l'heure, quelques perlettes de sueur parussent aux tempes de Barrégère et qu'un véritable chagrin se lut sur son visage. Il habitait au Tern, il n'avait pas de voiture, et il pensait que, pour le plaisir de causer, il faisait attendre sa femme. Mais que dit la pauvre Madame Barrégère quand un cas grave vous retient ou quand vous devez vous éloigner de Paris ? N'en parlez pas, faisait le docteur. Oh, ce n'est pas qu'elle se plaigne, mais je sais tellement combien il est pénible d'attendre. Il faut épargner la souffrance autant qu'on peut, c'est notre fonction à nous. » Et il y avait, dans sa profession de foi, quelque arrière-fond plus douloureux que celui qui nous peut être inspiré par un sentiment d'ordre général. Ah, quelle sorte de douleur cachait-il, que c'était difficile à démêler. Alors je restais, moi, à déjeuner avec monsieur et madame Dériaux, qui aimaient beaucoup avoir un tiers à leur table. Et l'entretien demeurait fixé sur le docteur, parce que l'un et l'autre l'adoraient. Il me parlait de son diagnostic, de ses cures, de ses bontés. « C'est un saint, » dit une fois Madame Dériaux. Bien timidement, je fis allusion à cette arrière-douleur que je croyais apercevoir en lui. Mais ni monsieur ni Madame Dériaux ne l'avaient remarqué. Je me souviens du geste de main, de petits doigts, plus exactement, accompagné de quarts de sourire qu'eut monsieur Dériaux et qui signifiait « Oh, impossible, cela tout à fait impossible !» La pensée émise par moi ne les pénétra même pas. Elle s'évanouit aussitôt, comme la vapeur du café brûlant. Du reste, il m'avait de bonne heure jugé subtil. Et Dieu sait ce que cette épithète signifie pour nos contemporains. C'est chercher la petite bête ou aimer à couper les cheveux en quatre. c'est ne pas se contenter des bonnes et grosses apparences.